il y a des dirigeants qui sont choisis par l'Occident pour venir semer la confusion, la zizanie, détruire tout ça à cause du maudit franc CFA. Voilà pourquoi j'interpelle nos autorités pour il est temps de se débarrasser de cette monnaie maudite, de cette monnaie nazie et qui, lorsque ça va partir du Mali, va poser beaucoup de problèmes au paiement des terroristes par les Occidentaux qui se font passer par la, sous la couverture de la MINUSMA, ceci, cela. Or, nous savons que tous ces trucs-là, ce sont des ennemis de l'Afrique. Afrique Média, le monde, c'est nous.